Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisi et proposé par Julien Douminc. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Neil Cassady fut longtemps considéré comme l'icône de la Beat Generation. Poète, il inspira à Jack Kerouac le personnage de Dean Moriarty dans son roman manifeste « Sur la route ». Mais sa correspondance témoigne qu'il n'était pas seulement un héros de roman, un effluve et un rêve comme il se définissait lui-même, mais aussi un écrivain des plus incandescents, tant son écriture est proche de sa douleur. Premier épisode, à nous et aux femmes. À l'hiver 1947, Cassady quitte l'Ouest américain pour New York, où il fait la connaissance de Ginsberg et Kerouac. Ces trois-là deviennent vite inséparables. Cependant, dès le mois de mars, Neil veut rentrer à Denver dans son Colorado natal. À Jack Kerouac, 7 mars 1947, Kansas City, Missouri. Cher Jack, je suis dans un bar de Market Street. Je suis sous. Bon, pas complètement, mais ça va pas tarder. Je suis ici pour deux raisons. J'ai 5 heures à tuer avant l'arrivée du bus pour Denver, et plus important, je suis ici à picoler à cause d'une femme, évidemment. Et quelle femme ! Je te raconte dans l'ordre chronologique. J'étais dans un bus qui s'arrêtait à Indianapolis pour prendre des passagers, et une incarnation de la Vénus de Milo, sublime, parfaitement roulée, genre un télo ardente, me demande si la place à côté de moi est prise. J'avale une lampée, je suis torché, je me rince le gosier et je bégaye non. Enfin, expression paradoxale en fait, comment peut-on bégayer non. Mais elle s'assied, je transpire. Elle se met à parler et j'imagine les banalités qu'on va enfiler, alors histoire de capter son attention, je reste silencieux. Elle, de son nom Patricia Lake, est montée dans le bus à 20h, faisait nuit. J'ai rien dit jusqu'à 22h. Pendant ces 2 heures, j'ai pas seulement décidé de me la faire, j'ai réfléchi à comment y arriver. Je ne peux évidemment pas te citer mot pour mot toute notre conversation, mais je vais essayer de t'en récapituler l'essentiel de 22h à 2h du matin. Sans le moindre préliminaire à grand renfort de questions objectives, comment vous appelez-vous, où allez-vous, etc., je prends direct un ton complice, totalement subjectif et personnel, qui, pour ainsi dire, la transperce jusqu'à la moelle. Bon, pour faire court, j'arrive plus à écrire. À 2h du matin, elle m'avait juré un amour éternel, un engagement absolu et une gâterie immédiate. Moi, j'attendais mieux. Je voulais pas qu'elle me suce dans le bus. Alors on s'est un peu amusés tous les deux, si tu vois ce que je veux dire. Pat m'avait dit qu'elle allait à Saint-Louis pour voir sa frangine. Elle lui avait envoyé un télégramme pour qu'elle vienne la chercher à la gare routière. Du coup, pour se débarrasser de la sœur, on a jeté un œil dans la gare quand on est arrivé à 4h du matin pour voir si elle, la sœur, était là. Si elle n'était pas là, Pat récupérerait sa valise, se changerait dans les toilettes et on chercherait une chambre d'hôtel pour une nuit. Des années de pure extase. Pas de sœur en vue. Elle a récupéré son sac et est allée se changer dans les toilettes. Bon, le paragraphe suivant doit impérativement être écrit avec la plus grande objectivité. Edith, sa sœur, et Patricia, mon amour, sont sortis des chiottes main dans la main. Je peux pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Apparemment, Edith est arrivée plus tôt à la gare, et comme elle se sentait fatiguée, elle est allée s'allonger sur une banquette à l'étage. C'est pour ça que Patricia et moi, on l'avait pas vue. Mes efforts désespérés pour libérer Pat d'Edith ont échoué. Et la colère de Pat et sa révolte, parce qu'elle se sentait à la botte de sa sœur, et même son insistance à répéter qu'elle devait voir quelqu'un et qu'elle se retrouverait plus tard, mais tout a foiré. Edith était maligne. Elle avait compris ce qui se passait entre Pat et moi. Bon, pour faire bref, Pat et moi, on est restés à la gare routière, serrés l'un contre l'autre, sous les yeux de sa sœur. On s'est juré de ne plus jamais aimer personne d'autre et j'ai repris le bus pour Kansas City. Et Pat est docilement rentrée chez elle avec sa dominatrice de sœur. Hélas, hélas. En complètement dégoûté, imagine ce que je ressentais. Je me suis assis dans le bus qui filait direction Kansas City. À Columbia, Missouri, une jeune vierge, 19 ans, complètement impassible, enfin mon cul, monte et partage ma banquette. Désespéré d'avoir perdu Pat la parfaite, je m'assois derrière le conducteur, en pleine lumière, et je décide de la draguer. Je la baratine de 10h30 à 14h30. Une fois mon numéro fini, troublé, sa vie complètement bouleversée, métaphysiquement fascinée, passionnée dans toute son immaturité, elle appelle ses parents à Kansas City et me suit dans un parc. Il commençait à faire sombre. Et toutes mes émotions refoulées se sont libérées dans cette jeune vierge. Et elle l'était. Qui, soit dit en passant, est prof. Oh, j'arrive plus à penser correctement, là, je vais arrêter d'écrire. Ah oui, pour me délivrer un instant de mes émotions. Tu dois lire Les âmes mortes. Certains passages dans lesquels Gogol exprime toute sa lucidité me font beaucoup penser à toi. Je développerai plus tard peut-être, mais pour l'instant je suis torché et heureux. Après tout, je suis déjà libéré de Patricia grâce à la jeune vierge, je connais pas son nom. Sur les notes joyeuses du Jumping at Mester de Lester Young, que je suis en train d'écouter, je boucle pour le moment. À mon frère, au Laker, Neil Cassady. PS, aux femmes. À Jack Kerouac, 27 mars 1947, 1073 Downing Street, Denver, Colorado. Cher Jack, j'ai repoussé le moment de t'écrire pendant 4 jours. Finalement, je t'ai écrit une lettre et je l'ai déchirée le lendemain parce qu'elle ne me semblait déjà plus d'actualité. Voilà donc une nouvelle tentative, en espérant que tu la reçoives. Ma réponse a presque 2 semaines de retard et ça me tracasse pas mal. Cette négligence dans ma correspondance est due en partie au bouleversement émotionnel que je subis ces derniers temps. Et surtout, à la sensation de ne pas réussir à être proche de toi via l'écriture en ce moment, à cause de cette agitation. M'être battu de toutes mes forces, et ne pas être capable de torcher une lettre vite fait pour y exprimer ce que je ressens de façon authentique, comme toi, tu en sembles capable, finit par me mettre dans l'état psychologique nécessaire pour t'écrire. Mais je ne suis pas soulagé pour autant. Je vais pas te raconter tout ce qui m'est arrivé, seulement l'essentiel sans épiloguer. Primo, ma propriétaire voulait me virer. Secondo, j'ai eu peur d'aller en prison à cause de Louane. Tertio, je me suis totalement foutu dans la merde à mon boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après quelques jours complètement sur la défensive et dans un état de paranoïa avancée, je suis redevenu moi-même. Et je me suis attaqué direct au problème. Problème numéro 1. L'endroit où je vis. Après m'être préparé à quitter la ville en emmenant ma super machine à écrire, etc., je suis allé illico voir la propriétaire. Au lieu de l'éviter, comme je le faisais avant, parce qu'elle était en rogne contre moi, à cause des draps foutus et de ce qui manquait, des filles qui venaient, etc. Et grâce à mon talent d'escroc, je l'ai convaincue de me laisser rester. Elle m'apprécie à nouveau. Donc, victoire totale pour le problème numéro 1. Problème numéro 2. J'ai frôlé la prison, mais c'est trop compliqué à raconter. Je dirais simplement que, là aussi, j'en suis sorti victorieux et libre. Et je crois que cette fois, c'est pour demain. Problème numéro 3. Quasi résolu, mon boulot. Pour prouver que je pouvais le garder, et pour la forme, je l'ai repris et quitté le jour suivant, vu que c'était un job infernal dans une station-service. Me voilà en concurrence avec une douzaine d'autres candidats pour un super poste dans un restaurant chic où, si je décroche le job, t'y crois, je garerai les voitures des clients sur un parking. Je serai fixé samedi. Tu vois, Jack, j'ai dû lutter contre toutes sortes de problèmes. Mais cette bataille pour me réinstaller ici est derrière moi. Et je vais pouvoir passer à autre chose maintenant. Alors, pendant une paire de mois, jusqu'à ce qu'on se revoie, laissons-nous aller à un véritable et puissant swing dans nos lettres. Si je me fie à ton premier courrier, tu es assez libre pour suivre le tempo. Tout ce que je te demande dans cette tentative pour redevenir proche, c'est d'être aussi sincère qu'avant. Et vu qu'on s'écrit au lieu de se parler, de ne pas minimiser ce que tu as à me dire. Et surtout, Jack, ne t'autorise pas à faire ce que j'ai été coupable de faire avec d'autres. C'est-à-dire que le processus d'écriture nous contraint à une certaine forme. Et même si on est sincère, on se met à dire les choses plutôt que les ressentir. Et la tentative honnête d'exprimer ce qu'on ressent est si laborieuse qu'on finit par torcher paresseusement une lettre remplie d'informations ou une lettre toute faite ou faussement stimulante. Tout ça, c'est bon pour les autres, mais pas pour nous. Alors, pour ne pas prendre ce risque, oblige-toi à penser d'abord et à écrire ensuite, plutôt que de réfléchir à quoi dire et quoi écrire pendant que tu écris. Tu me complimentes inutilement à propos de ma lettre de Kansas City. J'étais seulement bourré et défoncé. Je ne sais pas quoi dire après le récit génial de ton expérience sur le parking. C'est de loin le meilleur passage de ta lettre. Ça exprime la part de toi dont je me sens le plus proche. C'est pas du tout évident. C'est même très complexe et ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est là où on est brillant. Bon, quant au côté négatif, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein ? Bon, attends en juin et on verra si oui ou non, Al, toi et moi, on chope de vraies nanas. Depuis que je suis revenu, c'est à ça que je consacre une bonne partie de mon temps et je sais plus où donner de la tête. Les deux prochains mois, je compte m'atteler au récit chronologique de ma vie. Pas dans le but de le publier, évidemment, mais pour aider à évaluer ce que j'ai vécu et ce que je peux faire de tout ça. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment avance ton roman. Vraiment, si tu ne viens pas bientôt à bout de ce putain de truc, je serai tellement en rogne que je me mettrai à gueuler. Sérieux, Jack, s'il te plaît, vide ton sac. Quand je pense à toi, la seule chose qui me vient, c'est la crise que tu traverses. Et j'ai de la peine, au lieu de me réjouir de te savoir en train de lutter. Si seulement j'étais certain que c'est simplement de temps dont tu as besoin, je m'en ferais plus. Mais ça fait tellement longtemps que ça dure, que j'ai bien peur que tu doives boucler ce bouquin cette fois. Pour ton bien, tu en sortiras plus fort. Alors ne reste pas tétanisé à subir la pression du temps. Au lieu de ça, mon gars, reste concentré. Et souviens-toi de l'époque où tu commençais direct au présent. Et où tu écrivais, et c'est tout, bordel. Écris, Jack, écris. Oublie tout le reste, tu m'entends? À nous et aux femmes. Neil. À Allen Ginsberg, 8 mai 1947, 1242, Clarkson Street, Denver. Cher Allen, pourras-tu me pardonner un jour? Sincèrement, le pourras-tu? Je me sens vraiment coupable de ne pas t'avoir écrit. Bien sûr, je pourrais me justifier indéfiniment en parlant de mon manque de temps, de mes soucis, etc. Mais je ne le ferai pas, puisque j'aurais dû t'écrire quand même. La vraie raison, je crois, est que je ne savais pas ce qui allait se passer pour moi. Quand j'ai reçu ta dernière lettre, j'étais en train de faire mes valises pour aller flamber à Las Vegas. J'avais bâclé vite fait un courrier où je te racontais ça et pourquoi je partais, mais avant de le poster, j'ai eu un petit problème avec la police qui m'a obligé du coup à déménager à cette adresse. Ce changement dans mes plans rendait ma lettre inutile. Alors j'en ai commencé une autre, mais juste à ce moment, j'ai décroché un boulot. Et quel boulot? Non mais sérieusement, je travaille 10 heures par jour et c'est tellement dur que même après 10 jours seulement passés là-bas, je me traîne péniblement pour rentrer chez moi et je m'écroule sur mon lit. Ta dernière lettre était super. Vraiment la meilleure que t'aies écrite. Rapport au swing qu'on cherchait à atteindre. Elle est parfaite. En la relisant, je vois que t'as chopé le ton. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que je me cale dessus. Bon, évidemment, t'as oublié quasiment tout ce que tu m'as écrit, mais c'est pas important. Tu y es. 17 mai 1947. Super nouvelle. Voilà notre programme. S'il te plaît, sois indulgent. Je pars aujourd'hui à Trinidad, Colorado pour travailler. J'y reste jusqu'au 10 juin environ. Et je fonce direct chez Bill Burrows et Johan, où je te retrouverai. Et vers le 30 juin, en gros, on reviendra à Denver pour bosser à Central City du 6 juillet au 13 août. C'est la meilleure et la seule possibilité pour nous. Après Central, on sera fin prêt. Je vais me faire assez de fric pendant les 3 semaines à Trinidad pour avoir quelques billets en poche et on mettra de côté l'argent gagné là-bas pour aller à New York. Vu qu'à mon avis, le logement et le repas ne nous coûteront quasiment rien. S'il te plaît, Allen, mets les voiles avec moi cet été. Je t'embrasse. Écris vite, on se voit en juin. Je suis un poète aussi. Je t'embrasse à nouveau. Neil. À Jack Kerouac, 31 août 47, ranch de Bill Burrows, New Beverly, Texas. Cher Jack, viens juste de recevoir ta lettre. Vraiment un grand plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je viens de faire un festin. Épines, maïs, viande, patates douces, petits pois, pêche, lait, 2 coca. Trop plein pour bouger ou penser. Je sue, je pue, je suis sale. Je griffonne vite fait. Allen et moi, on a quitté Denver dimanche à 2h du matin et on est arrivé mardi à l'aube. Dormi toute la journée et la nuit suivante. J'emmènerai Unke et Allen à Houston, à 150 bornes d'ici. Unke se réapprovisionnera en benzédrine et divers stimulants. Allen y va pour voir s'il ne pourrait pas embarquer une paire de semaines sur un bateau, disons pour New York. Moi, j'y vais pour conduire et découvrir le coin. 2 septembre, 7h10 du matin. Levé, déterminé à écrire. J'ai plusieurs projets en tête, mais aucune certitude pour aucun d'entre eux. T'en parlerai probablement dans ma prochaine lettre. Et tu deviens quoi, gardien de nuit sur un chantier? Et comment ça s'est fait? C'est Henri qui t'a arrangé ça? La page 2 de ta lettre est tout simplement juste. Comme j'aimerais pouvoir m'exprimer aussi bien, peut-être en serais-je bientôt capable. Tu es juste. Tu es grand et merveilleux. S'il te plaît, ne crois pas que je te comprends pas. Ou que je te comprends moins qu'avant, ou pire encore. Ne crois pas ça. J'ai cru sentir, mais je peux pas y croire, que depuis un moment, tu pensais que je n'étais pas sincère avec toi. Que je me réjouissais de ta tristesse. La seule raison qui expliquerait que tu me vois sous un angle aussi misérable est que je suis confus et incapable d'échanger avec qui que ce soit en ce moment. Même avec Allen. Ces choses s'installent si on ne lutte pas contre elles. Jack, tu dois être patient avec moi. 9 septembre 47, 8h du matin. Déjà une semaine de passé, hein? Bon, j'ai toutes les chances d'être totalement excusé quand je t'aurai raconté. Je commence par le 3 septembre. Unke, Allen et moi, on est allés à Houston. Unke est parti se réapprovisionner, comme moi, pendant qu'Allen était à l'Union Hall pour trouver un bateau. On s'est tous retrouvés vers 16h. Unke était défoncé et refusait de rentrer. On a perdu du temps à essayer de le convaincre, mais comme il n'y avait rien à faire, on s'est donné rendez-vous le lendemain midi. Allen a décroché un boulot au mess des officiers sur un cargo ralliant la France dans 4 jours environ. Il a décidé de se présenter que le lendemain, donc lui et moi, on est reparti à New Beverly. Rentré à l'aube du 4 septembre pour tout de suite repartir à Houston. On a retrouvé Unke et filé tous les trois au cargo pour choper le commandant de bord. Il était bourré, comme Allen et Unke. Allen a accepté de monter à bord le lendemain et d'aider au mess. Cette fois, Unke devait rentrer avec nous. Le matin suivant, Allen a dit que Bill, que c'était son dernier jour avant d'embarquer pour que Bill lui file de quoi se payer une chambre d'hôtel le soir. Unke, Allen et moi, on y passerait la nuit, le 5 septembre. Allen nous quitterait à 6h du matin et on rentrera ici le 6 à midi. Bill était d'accord et on a levé le camp. Et de l'après-midi du 5 au matin du 6, ça a été complètement dingue. On était tous défoncés avec divers trucs. On a passé le début de soirée à fumer des joints, à écouter de la musique de folie, etc. J'ai dit à Unke et à Allen que je les rejoindrais plus tard et j'ai sauté dans la Jeep. J'ai dégoté une cinglée et je l'ai traînée jusqu'à la chambre d'hôtel et je l'ai baisée. Unke et Allen étaient dans la pièce d'à côté. Allen était vert. Unke, un peu énervé que je prenne sa chambre, il avait levé un mec. Et la nana complètement sonnée par tout ça. Je suis tombé raide et je me suis pas réveillé avant 9h le lendemain. La fille était une beauté. Et Allen, furax, l'a foutu dehors. Dur. On a passé une journée de merde. Allen ne voulait plus embarquer. Unke refusait toujours de quitter Houston. Et moi, je les serinais pour qu'ils accélèrent le tempo sans quoi Allen perdrait son boulot. Eh ben bingo, ça n'a pas loupé. Non seulement Allen a perdu son job, parce qu'il ne s'était pas pointé, mais le syndicat lui a cherché des noises. On est tous retournés déprimés au centre-ville. Unke ne voulait toujours pas rentrer. Et Allen et moi, on a promis de le retrouver le lendemain midi. On est à nouveau reparti tout seul et c'était que le début des emmerdes. Bon, je fais bref. Inutile de préciser que Bill était en rogne. La cam était foutue, on avait perdu 5 jours, on était revenu à la case départ. Le lendemain, j'ai emmené Allen à Houston pour la dernière fois. On a retrouvé Unke et on a attendu 4 heures dans le couloir du syndicat avec Allen qui voulait dégoter un autre bateau. Bon, il était toujours bredouille quand Unke et moi, on a dû partir. Après des au revoir très tendres, on a laissé Allen dans le couloir en train de lire Henry James et de méditer sur son destin. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Salut Allen et à plus. Au fait, la fille que j'ai chopée cette nuit-là est chez les dingues. On l'a repérée qui baragouinait toute seule dans la rue le lendemain matin. Trop triste. Son beau corps était assorti d'un esprit dérangé. Ça me fait vraiment suer pour elle et j'espère que je pourrai la revoir et l'aider d'une façon ou d'une autre. Ah, écris-moi ici. On part pour New York dans un mois. Est-ce que je suis excusé de ne pas avoir écrit plus tôt? Hein? Ça n'arrivera plus. Alors, écris-moi, mec, et tu verras ma réponse voler vers toi. Ton pote, Neil. EPS, j'ai un crayon pourri, une boîte en carton en guise de pupitre et une écriture horrible. Excuse. C'était « Sur la route de Neil Cassady ». Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg, choisie et proposée par Julien Douminc. Lue par Quentin Bayot et Pauline Ziadé. Guitare, Pierre Téréjol. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Éric Boisset et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Les lettres de Neil Cassady sont publiées en 2 tomes aux éditions Finitude dans une traduction de Fanny Wallendorf. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr. Tout de suite, Aude Lavigne.